Activité 3. Agnès Ruhlmann, parlons de vos souvenirs. J'ai quelques questions pour vous. Quelle est votre saison préférée ? L'automne. L'automne ? Pourquoi aimez-vous cette saison ? Tout d'abord parce que je suis née dans un pays tropical. J'ai connu les couleurs de l'automne à l'âge de 12 ans seulement au Canada. Et là, quel émerveillement ! Les feuilles jaunes, oranges, rouges, puis la lumière dorée. Elle est magnifique en automne. Dans les souvenirs d'automne, justement, une odeur. Ah oui, bien sûr. L'odeur du feu de bois dans la cheminée, quand il commence à faire froid. Un bruit ? Le vent qui souffle très fort. Une émotion ? La joie de voir la neige pour la première fois. Une sensation ? Le froid aux mains. Une chose à boire ou à manger ? Un bon chocolat chaud au goûter de 4 heures. Une image. C'est la fin de l'automne. Il fait très beau et très froid. Le ciel est bleu. Le soleil brille. Je construis mon premier bonhomme de neige dans le jardin et je suis heureuse. Agnès Ruhlmann, je vous remercie.